Des t-shirts. C'est la grande liquidation des t-shirts officiels de CKRL. Vous en aurez un pour 10$, deux pour 15$, trois pour 20$, jusqu'à épuisement complet. Les t-shirts sont en vente à la station même, au 405 3e Avenue, à Limoilou. J'ai chaud, j'ai froid. Oui, je sais, Bruno, c'est de ma faute. Bruno est fâché. Ça commence mal. Je pense que ça va être 2 heures de regardage dans les yeux avec... Il ne me pardonnera pas. Ça commence mal. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Michel et Bruno, plutôt, ben, on va dire Bruno et Michel, parce que c'est, je pense que c'est lui là, qui va diriger ce soir, étant donné que j'ai fait la première gaffe de la soirée. Donc, bon, 2 heures de progrès, comme vous le savez. Ça va être bon, rester des nôtres, évidemment. On va commencer avec un... Nous, ben, c'est plus ou moins... Moi, je pense que ça doit faire une semaine ou deux, d'après moi. Là. Une formation britannique pour nom Abel Gans. C'est tout nouveau, tout chaud. Et je vais essayer de vous dire ça comme il faut, le titre. Le Delusion of Grandeur. Étant donné que le mot est en français... Je ne sais pas si on le prononce à la française. En tout cas, Delusion of Grandeur est un autre excellent disque pour cette formation-là qui avait été inactive pendant longtemps. Et là, je pense qu'ils ont retrouvé le filon. Donc, on commence, nous, avec ça. Abel Gans, et restez des nôtres, il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés ce soir. Et ça va être 2 heures bien remplies avec Bruno et Michel. Drifting tide beckons you to take a chance as you gaze at the stars by the water's side. Do you take the plunge or simply trail your hand? gently shifting sands. Oh, dream your cares away. The joy of traveling an open road under cloudless skies on a sunny day. Do you grasp the dream held safe within your soul? Or let it fade like melting springtime snow? Inside your soul, can you live the dream complete within your world? As the sunrise comes, let the chosen way unfurl. We'll be right back. don't hear them call. I've seen the writing on the wall. You won't hear them. You one last lucky hand, but you can't understand. Fate has dealt you one last lucky hand, but you can't understand. That burned into your soul. Realize their goal. Those eyes that burn into your soul. Realize their. Thank you. choices so entwined, lack of knowing and lack of truth, we'll write the story and undo you. You won't hear them calling to you. Close your eyes, you won't see them fall. You won't hear them calling to you. Close your eyes, you won't see them across my hands, gave me the warmth, the light of gray. Leaves they circle through my head. Proof of disarray. Thank you. courage to seize, leaving their hosts along the way, knowing their place is here with me. As I left the world today, through the trees, and he smiled into the cold. The mist came clearly from his breath as I watched the hell unfold. I have walked across the coast, felt the angels warm my soul, sat with Jesus on a bench, watched the innocent be lynched, stood beside the chosen one, touched the lazy arm just once, tore myself from child's embrace to kill the beast and save his face. I will always watch over you. Lay down in the street for you and protect you from myself. When you see the light of day, vous est présenté par La Barberie. Hi. Ici Tania Beaumont, animatrice de Change de disque. Ce jeudi, je profite de l'été et je me dirige du côté de la Chantofête de Charlevoix pour une émission toute spéciale. En direct de Saint-Siméon, je recevrai entre autres Sophie Guérin, la directrice de la programmation, le Suisse Marc Aymon, Vincent Vallière, Alex Nevsky, les Sœurs Boulay et JP Dalpé. Soyez à l'écoute le 14 août de 15h30 à 17h30 en plein cœur du party de cuisine des amoureux de la chanson. Du 12 au 16 août, Desjardins vous invite au party de cuisine préféré des amoureux de la chanson francophone. La Chantofête de Charlevoix, présentée en collaboration avec Loto-Québec. Sur scène, Vincent Vallière, René Martel, Yann Perrault, Alex Nevsky, Patrice Michaud, Alexandre Desilets, Chloé Lacasse et plus d'une trentaine d'artistes. Les incontournables, au Café des Retrouvailles, proposé par Vincent Vallière, le président danse autrement, la grande boîte aux chansons, sur la voix d'Alphonse. Billets en vente sur lepointdevente.com et par téléphone au 418-638-5353. Visitez le chantofête.com. Québec. De retour à Terra Incognita. Et on vient tout juste d'entendre, je pense que, mon Dieu, peut-être les vieux de la vieille vont s'en rappeler, Illuvatar, de leur plus récent, après une décennie de silence. Et d'ailleurs, ça s'appelle From the Silence. À l'époque, c'était un des gros groupes aux États-Unis, mais mon Dieu, on remonte dans les années 90, là, et puis bien de l'eau a coulé sous les ponts, pour reprendre l'expression populaire. Je suis pas sûr aujourd'hui de la place que ça va prendre sur la scène progressive, mais enfin, c'est un bel effort. Je pense que les gens vont renouer avec plaisir avec Illuvatar, From the Silence. Et tout juste avant, il y avait une Abel Gance, et puis j'ai fait une petite erreur pour le titre de la pièce, c'est Obsolence, et non non, c'est Yeshik qui avait le mot grandeur dedans, mais oubliez tout ça, c'est Obsolence, et le disque a pour titre Abel Gance, tout simplement. Et d'ailleurs, il n'y a aucune indication sur la pochette, il faut vraiment le savoir que c'est Abel Gance, parce qu'il n'y a rien d'indiqué nulle part. Belle pochette blanche, minimaliste, et puis avec rien d'écrit dessus. Mais c'est ça. Donc c'est Abel Gance. Je disais qu'il était dans un bon filon, mais quand j'ai vérifié finalement, Shooting Albatross, qui était vraiment très bon, il faut remonter quand même à 2008, donc ça a pris quelques années quand même. Mais c'est quand même moins pire que la période qui sépare The Defining Silence de Shooting Albatross. The Defining Silence a été paru en 1994, donc on ne peut pas dire que c'est un groupe très prolifique, mais enfin, leurs deux derniers essais rattrapent le coup. Donc Abel Gance, disque éponyme Abel Gance, et on parle aussi là, pour 2008, c'était Shooting Albatross, deux disques que je recommande. Et on continue en musique encore du côté des États-Unis avec Elephants of Scotland. Il y a des drôles de noms des fois, celui-là. Elephants of Scotland, les éléphants de l'Écosse, de leur plus récent Execute and Brett. Et le temps de vous rappeler que vous écoutez Terra Incognita sur les ondes de CKRL 89.1 avec Michel et Bruno. all so hard for me. It's just a matter of looking and writing down all I see. Always trying to talk about the things we find, but words can't do it justice, and you cannot read my mind. We'll be right back. Io non so se io mi dica che sia accidente al vizio e per malvagità di costumi nei mortali sopravvenuto, o seppure è della natura peccato il rider piuttosto delle cattive cose che delle buone opere, e specialmente quando quelle cotali a noi non pertengono. Avendo adunque una buona donna così fatto pensiero avuto, e forse più d'una volta per dare segretamente a ciò effetto, si dimesticò con una vecchia che pareva pur santa. Figliuola mia, sallo Iddio che sa tutte le cose, che tu molto ben fai di portare molti in nave per lo piovoso, e quando per niuna altra cosa il facessi, sì dovresti far tu e ciascuna giovane per non perdere il tempo della vostra giovinezza, perciò che niun dolore è pari a quello, a chi conoscimento ha, che è d'avere il tempo perduto. E da che diavol siam noi, poi, quando noi siam vecchie, se non da guardare la cenere intorno al focolare? Et voilà, quel final! C'était Camellia's Garden, formation italienne. C'est une pièce qui est extraite d'un disque, les fameux disques projets de Colossus et Musea. C'est la deuxième partie de Decameron, 10 Days in 100 Novellas, part 2. Et encore une fois, une belle brique de 4 CD. Rien de moins, 4 CD à écouter. C'est sûr que j'ai pas encore passé au travers, mais je peux vous dire tout de suite que si vous avez aimé le Decameron Part 1, vous allez adorer celui-ci, il est aussi bon. La qualité est constante, il y a beaucoup, beaucoup de très bonnes pièces. D'ailleurs, on vient d'écouter Camellia's Garden, qui une formation italienne qui avait présenté un disque assez surprenant en 2013 de You Have a Chance, et cette pièce-là vient confirmer leur talent. Et avant, on avait écouté Willow Glass, du même projet de Cameron, donc une nouvelle pièce, et peut-être que les plus fans auront reconnu le violon de Steve Onuro sur cette nouvelle pièce de Willow Glass. Et on avait amorcé le tout avec Elephants of Scotland, Execute and Brett, un groupe américain, je pense, la Nouvelle-Angleterre, sauf erreur, qui en est à son deuxième essai. Et oui, Bruno, je suis avec toi, c'est juste pour vous dire qu'on a quelques pauses des annonces publicitaires et on vous revient après en musique avec un autre extrait de Decameron 10 Days and 100 Novellas. C'est Terra Incognita avec Michel et Bruno jusqu'à minuit. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Maintenant à La Barberie, en plus des 9 bières en fût, une bière en bouteille est servie au bar. On pige dans des cuvées spéciales, des bières rares, des bières vieillies. Mais allez-vous servir des bières ordinaires? Des bières ordinaires à La Barberie. Non. Mais des régulières, alors? Oui. Pour connaître la bouteille du jour, de la semaine ou du mois, consultez notre menu à labarberie.com ou sur notre page Facebook. Bonjour, vous me reconnaissez? C'est Michel Marcoux. Cette fois-ci, je ne veux pas vous vendre de bière, mais des t-shirts. C'est la grande liquidation des t-shirts officiels de CKRL. Vous en aurez un pour 10 $, deux pour 15 $, trois pour 20 $, jusqu'à épuisement complet. Les t-shirts sont en vente à la station même, au 405 3e Avenue, à Limoilou. J'ai chaud, j'ai froid. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez... 1987, 22 Jump Street, Boyhood, nouveau refrain. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Aussi, à ne pas manquer au Musée de la Civilisation... Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Les vacances du petit Nicolas. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Stéphanie n'a pas gagné de médaille, ni de prix honorifique. Elle ne fera pas de discours et ne signera pas d'autographe. Stéphanie vient de sortir de la résidence Le Portail, une maison de thérapie pour les femmes qui ont des problèmes reliés à la consommation d'alcool, de drogue ou de médicaments. Ce que vous entendez, c'est sa fierté enfin retrouvée. Lisez son témoignage sur résidenceleportail.org. Cultive tes goûts. We'll be right back. does not exist. We'll be right back. vous faites des rénovations ou vous déménagez, pensez à Gestigroup, un service de nettoyage résidentiel et commercial. Gestigroup vous offre des services d'entretien réguliers et de nettoyage spécialisés. Pour le nettoyage des fenêtres, les conduits de ventilation, le nettoyage après construction, le décapage et cirage de vos planchers ou l'entretien ménager régulier, Gestigroup vous assure un travail de qualité optimale avec une assurance qualité garantie 100%. Évaluation gratuite, Visa et Mastercard sont acceptés. 418-255-0256. Consultez le site web pour les promotions en cours. www.gestigroup.com. Bonjour, vous me reconnaissez? C'est Michel Marcoux. Cette fois-ci, je ne veux pas vous vendre de bière, mais des t-shirts. C'est la grande liquidation des t-shirts officiels de CKRL. Vous en aurez un pour 10$, deux pour 15$, trois pour 20$, jusqu'à épuisement complet. Les t-shirts sont en vente à la station même, au 405 3e avenue, à Limoilou. J'ai chaud, j'ai froid. À l'adolescence, il suffit souvent d'une oreille attentive pour aider, pour comprendre, pour encourager un jeune à poursuivre ses études et éviter ainsi de décrocher. L'éducation est la clé pour s'en sortir et s'assurer un avenir meilleur. Si votre ado cherche de l'aide et vit des difficultés, parfois comme parent, on a besoin de ressources. Avec votre jeune, visitez jeunessejécoute.ca. Un message des Ursulines, fiers d'être partenaires de Jeunesse J'écoute. Nicolas Dumont vous invite tous les lundis dès 18h30 à explorer un monde de mariage illégitime aux saveurs country, folk, blues et garage. Bienvenue chez les bâtards. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts. De retour. On va jeter un petit coup d'œil en arrière. Il y avait, avant les pauses, il y avait Accordo des Contraries. Le tout nouveau, mais je pense que c'est leur troisième, sauf erreur. Groupe italien, instrumental. Je pense qu'on a pu déceler quelques clins d'œil à Gentle Giant un peu, tout le long de la pièce. Donc, c'est le disque ADC, ou Accordo des Contraries, donc un disque éponyme. Avant ça, on avait une formation qui nous vient des Pays-Bas, Minor Giant. Je sais pas, j'ai trouvé par bout que la voix ressemblait peut-être un peu à celle du chanteur de Haikyuu. Je pense que c'est pas voulu, là, mais enfin, c'était assez rapprochant. Le disque a pour titre On the Road, et c'est leur premier essai. Je sais qu'entre autres, là, ils ont invité un des membres de Sky Architect, je pense que c'est sur la première pièce. Et tout juste avant, je pense que vous avez compris que c'était des Allemands. Ils ont un chant assez... On peut pas passer à côté. Les Allemands, ils ont c'est comme pas le contraire de l'italien, là, mais mettons que ça coule pas comme de l'italien. Tramars, Die Andere Set. C'est une réédition d'un disque qui est paru en 2009, sauf erreur. Et on avait amorcé avec une autre pièce du projet de Cameron, 10 Days in 100 Novelas, avec le groupe argentin Nexus. Ça faisait un petit peu comme Emerson, et je pense que quelque part il n'y a plus assez de monde qui en font comme ça, qui cite Keith Emerson comme ça. Je pense que ça fait du bien de temps en temps de voir qu'il y a encore des gens qui ont à cœur de perpétuer ce son de clavier. Donc Nexus, c'est pas leur première collaboration avec Musea et Colossus pour des projets comme ça. Et je vous le rappelle, c'est un quadruple album avec plein d'invités, une tonne d'invités. Il faut avoir la patience de passer au travers, mais c'est vraiment très bon. Le Decameron, 10 Days in 100 Novelas. On va aller faire un petit tour du côté du Luxembourg cette fois-ci. Et oui, c'est pas, on le dit pas souvent, mais c'est le cas ce soir. Une nouvelle formation qui a pour nom TNNI. Ou, si vous préférez, de No Name Experience, c'est un groupe qui a été formé finalement avec deux anciens musiciens du groupe No Name, un groupe néo-prog, je pense que certains vont s'en rappeler. Donc, ils ont choisi de récupérer un peu le nom, donc de No Name Experience, donc OTNNE. Le disque pour titre The Clock That Went Backyards. C'est notre dernière demi-heure. On y va donc avec cette formation du Luxembourg, et il y a encore plein d'autres bonnes choses jusqu'à minuit. «

Thank you. man left his hometown behind. Now he finally sees that there was a time he was blind. Come, I'll make you clean. What you've been waiting for. Walking the right road, the stranger is home again. Dream became reality. Of war. In this place where there is so much pain, the man, he walked away to live down in Remedy Lane. Come, I'll make you strong, he says. You don't have to do on your own. Come and just be still. second extrait pour Minor Giant, cette formation des Pays-Bas qui nous arrive avec un premier disque pour titre On the Road. C'est vraiment bien. Et avant, on avait Alan Morse, oui, de Spock's Beard, un disque solo qui a pour titre 4 O'Clock and Hysteria. Et on avait amorcé avec TNNE, ou si vous préférez, de No Name Experience avec The Clock That Went Backyards. C'est déjà le temps de vous dire bonsoir. Restez des notes. Il y a l'autoroute dans quelques instants avec Stéphane Villeneuve qui est arrivé là, il n'y a pas longtemps, qui est en train de s'installer. C'est que profitez-en, Stéphane. On ne l'a pas souvent. Là, il est là ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine. C'était Michel et Bruno, Terra Incognita. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Je te dirais que ça a été dans les premiers bands à jouer très pesant, un peu comme les Power Trio à la Blue Cheer. Tout ce qu'on a pu entendre, ça bûchait en motésie. Restez avec nous. Dans un instant, l'autoroute. Les arrangements de cordes qu'on entend là-dessus, d'abord, il y a une citation de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak dans le refrain. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Hi. 89. Okay, ready. Let's do it. Mais voyons, le monde est donc ben cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps. Bon, enfin, il y en a un qui allume. Ça commence à être le temps. Vers où tu t'en vas? À l'autoroute 89,1. Wow, j'embarque.